masqué. Tu n'as pas été nommé. Tu as été invoqué. Dans chaque souffle du désert, ton écho s'étend comme la braise sur la dune. La nuit, tu es Rider Skill, et tant que l'on respire.